Mais sincère, c'est d'être aimé. C'est la seule vérité. C'est compter sur Jésus. Quoi qu'il puisse arriver, l'essentiel, c'est d'être aimé. C'est la seule vérité. C'est compter sur Jésus. Quoi qu'il puisse arriver, l'essentiel, c'est d'être aimé. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on dit, ce n'est pas la fortune ou la célébrité. Ce n'est pas la fortune ou la célébrité, yeah, yeah. Qui parlait, un berger qui nous conduit dans ses pâturages, et nous verrons le berger. Notre joie sera dans l'éternité, notre cœur ne sera jamais brisé. Le Seigneur sera là, être aimé, avoir dans son cœur. Sauveur à qui parler, un berger qui nous conduit dans ses pâturages, et nous verrons le berger. Notre joie sera dans l'éternité, notre cœur ne sera jamais brisé. Le Seigneur sera là, yeah.